prime embauche PME, bon à savoir. Le gouvernement a opté, contrairement à ce qu'il avait initialement prévu, pour la prorogation en 2017 de la prime aide embauche PME d'un montant de 4 000 € maximum. Cette prime s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois notamment, un employé dont la rémunération n'excède pas 1,3 SMIC, c'est-à-dire 1906,65 euros bruts par mois pour 35 heures par semaine. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes dans l'attente du décret de prorogation.